cœur énorme. Il dirige ma vie entière. Je peux vous donner un peu de mon cœur, mais avant il faut que vous dansiez. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Si vous ne dansez pas pour moi, comment puis-je savoir qui vous êtes? Si vous ne dansez pas avec moi, comment puis-je savoir ce que nous serions? Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Dansez, dansez, dansez-vous. Que ferez-vous quand je bouge là? Que ferez-vous quand je bouge ici? Où irez-vous quand je fais un pas, en arrière ou en avant? Dansons ensemble le rythme, ne faisons qu'un. Dansons ensemble le rythme, ne faisons qu'un.